Alors, anglais ou, et est-ce que ça vous intéresse de parler avec nous? Est-ce que vous savez ce que c'est quoi? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Qu'est-ce que vous pensez? La sagesse, ça vient avec l'âge? Je pense que oui, la sagesse vient avec l'âge, mais il faut rester toujours pépé, puis jeune aussi, jeune de cœur. Et puis, je pense qu'il faut mordre dans la vie quand on est jeune. Et puis, il faut prendre une journée, 24 heures à la fois, mais faire tout ce qu'on peut de concret et de positif dans notre vie. Et puis, quand on vieillit, on réalise que même si on a fait des erreurs, c'est apprendre de nos erreurs qui est important. Et puis, c'est ça la sagesse. Est-ce que vous trouvez que vous avez fait des trucs quand vous étiez jeune que vous ne ferez plus jamais maintenant? Oui, je suis allée en motocyclette avec mon chum. On est allé à Laconia et puis on est allé à grand-mère, puis tout ça. Puis j'ai mangé des bébites en main sur la motocyclette et puis... On avait... c'était toutes des expériences le fun. Et puis, ça sera à refaire. Peut-être pas à mon âge, là, sur un bicycle à gazoline en arrière, assise en arrière, mais... Parce que vous êtes moins sage ou plus sage? Ben, c'est-à-dire, je risquerais d'autres choses, mais d'autres choses le fun, là, tu sais. Dans ce temps-là, c'était le fun, c'était correct. Mais là, je veux pas non plus, tu sais, comme par exemple, chaque chose en son temps, mais je risquerais encore des choses, le fun. Pourquoi pas? C'est ça, la vie. Est-ce que vous pensez que le fun, ça diminue avec l'âge et la sagesse? Je pense pas que ça diminue. Il faut juste se brancher pour les choses, le fun, puis les choses... qui sont positives, puis les choses qui sont un peu foufou, là, tu sais, un peu off your rocker, tu sais, a little bit. Mais quelque chose qui mordre dans la vie pour toutes sortes de choses. Oui, il faut dire oui à la vie, puis mordre dans la vie. Do you think there are things that you did when you were... younger that you wouldn't do now, or do you feel like it hasn't changed very much, like what you would do and what you wouldn't do? My life changed a lot since I was young. I did the things young people do. It's like I say, like I grow out of that, and then I grow into the woman I am, you know. Some people get stuck into their youth, you know, or get get stuck in certain age where they stuck there, you know, like in the 80s or something, the age of their time. The 80s was my time. I mean, as a teenager, I did everything. I did that a teenager's supposed to do that free me up to grow and move on, you know. How do you feel like your life has changed? Like, how do you feel like you changed from being, like, in the teenager stage to being in the, like, woman stage? Is it okay if I come sit next to you because it's easier for the microphone? Well, I feel like I grew up because the things I did while I was a teenager, I wouldn't do now, you know? The way I dressed when I was a teenager, I wouldn't dress now because there's a difference. I was a teenager and there's... a way to be in that time than a way to be now. Now I'm a grown woman, I'm a full-blown woman, so I have to act as that, you know, so I act as a woman. Do you feel like you are happier than are now, or it's just a different kind of life? Well, I have time. I wish I could go back to some of those times, you know, there were the days, you know. But, you know, I'm happy in different ways, in different ways. I find happiness in different ways. Not as much as I would like to, but I'm happy, you know. Yeah. I mean, I don't try to be perfect because there's no such thing as perfect. We are human. We're not supposed to be perfect. We're just supposed to make do with what we can and do the best. We are supposed to make mistakes. We're supposed to learn from those mistakes and move on, you know? If we don't learn from the mistake we make, then we go repeating it over and over and we never move ahead. Do you think that that's wisdom? That is wisdom and an experience too. If you're smart, you make a bad mistake and you go do it again, you're going to keep in that circle, because you, every time, if you do learn, when you do it the first time and you go back and do it again, you're not smart and you don't have wisdom, because wisdom is the common knowledge. Look, you do that, there's certain things, it's not good for you. I'm going to look at that as a learning point and a turning point in your life, and I'm going to say, well, I'm not doing that again. And then I look to do something else, you know, something different, you know. Are there any experiences that you can think of that you've had where you did something and kind of like that wisdom thing clicked and you were like, I'm not going to do this again? Well, I do. I had like the thing we call karma. I had a really bad karma because I was thinking about that, you know, in 1998, I was with this guy, you know, and I like take him for granted, and I really treat him really mean and really bad, you know. And he was the sweetest, kindest person. He was from Prince George, and he would have done anything to help me. But I was caught up in my ego. I was caught up in, you know, taking people for granted, not respecting their place, not respecting him as a person. And I just walked out on him and I hurt him really bad. And then in 2001, I came to Montreal and I meet somebody that did me the same thing that I did to him. So like I said, karma's a bitch, and when it come hard, you know? So yeah, I had my experience and I'm saying, I'm not doing that shit again. So from now on, I'm very careful how I tip karma over. I don't fucking... Sorry. No, that's fine. I don't do that crap anymore. I realize. I say, you know what, this is crap. But I called him up. And I apologized to him, you know. I told him I was sorry for hurting him and things. Because I find that even though you don't see a person and you're not going to do it, an apology helps, the closure. I mean, this guy went into debt, you know, to help me. I mean, like, he wanted to keep up with, like, the Joneses, you know, and he wasn't making a lot of money, and I was being a spoiled brat that I was, you know. Him and his sister said to me, I mean, you're a spoiled brat. And then I went and him and her got into fight over that, because I went and complained. She called me a spoiled brat, you know. And, you know, they're just things that you do that at the moment you're not realizing what it, how it affecting the person, you know, or I knew it was affecting him. I just didn't care. And then I didn't realize it till it was done to me. Like, I met this person and I was all over him. Like, I had to think the world of him, and I was good and kind to him. And what he did on me, he did me the same friggin' thing and even worse. Because when karma come, it come double and it come worse than what you did to the other person. So he treat me shit worse than I treat that person. And it hurt. So I felt I got a taste of my own medicine, and I knew how it feel. That's why I tell people, careful what you do, because it's gonna come back, because karma's a bitch, and she's right there waiting. You do something bad to somebody, it's gonna come back at you, sweetheart. That's why I always say, be careful how you treat people. Be careful what you do to people. Do you think that like wisdom is something that kind of, it's not just like people are young and they're stupid and then you get old and you have this wisdom? Do you think it's something that kind of like increases throughout your life? Well, we have stupid people, whether you're young and you're old. I've seen some stupidity in life. But wisdom is something you have to recognize it. It is something, it is a part of everybody. But if you have the eyes to recognize it, and you don't recognize it, then you don't, you know? Or sometimes you're born, it's depend how you were, you know what they say, we are molded as children by our parents, you know? And it depends what kind of discipline you get at home as a child and thing. then you grow up. I don't really know where wisdom comes from. I just know I got it. and I'm not boasting. I'm not being self-centered. Monique, maybe, peut-être Clara peut te poser quelques questions et moi je vais aller faire le tour, okay. Dire aux gens ce qui se passe. Ça dépend des collègues en bas. Et là, si vous voulez, vous pouvez aussi poser des questions. Okay, Mike, take the attention from me again. It's a conversation. You guys can all talk at the same time. Alors pour vous, la sagesse, elle vient avec l'âge ou pas? J'étais pas plus sage quand j'étais jeune, puis je suis pas plus sage quand je suis vieille. Alors qu'est-ce qui change avec l'âge? Oh, pas grand-chose avec moi. Alors la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ça vient pas alors? Ça veut dire que on ne devient pas sage? Ben moi je viens, c'est parce que j'aime beaucoup la vie, j'aime bouger, j'aime. Ça fait que je reste telle que je suis. Je suis sage, mais je suis une personne active dans la vie. Mais d'être sage, ça veut pas forcément d'être pas actif. Ça veut plutôt dire qu'il y a des choses qu'on ne referait pas forcément, des choses qu'on a fait quand j'étais jeune. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait quand vous étiez jeune que vous ne referez pas maintenant? J'ai fait plein de gaffes. Je me droguais, je buvais. À cette heure, je réfléchis, je ne bois plus. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'essaye d'être plus à l'écoute des autres maintenant. Donc ça, c'est quand même un peu la sagesse, on peut dire. Je m'ai calmée, je suis venue plus sage parce que je voulais pas qu'ils voyaient une grand-mère qui était dans la drogue et de la boisson, qui me voyait dépérir à vue d'œil. Je suis venue sage à cause de mes petits-enfants qui m'ont appris à changer. Alors, ça veut dire que la sagesse, ça vient avec les enfants? Avec l'âge, puis les enfants aussi, parce que j'ai beaucoup d'amour pour les autres. Puis j'ai fait un changement dans ma vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut aussi être jeune et être sage? Ou alors, tous les jeunes, ils sont pas sages? Oh non, il y a des jeunes qui sont vraiment pas sages. Même pour ma petite fille, elle n'est pas sage partout. Ça, j'en sais quelque chose. Parce qu'elle a seulement 14 ans et puis elle est déjà active sexuellement. Elle n'est pas sage. Parce qu'une jeune est supposée d'attendre. Non, elle, non. Mais j'ai une de mes petites filles qui est vraiment sage, je pense. Oui, très, très sage. Elle a 19 ans, mais elle est sage. Chasse ici, elle est sage. Et alors, est-ce que vous pensez que votre petite fille, que vous dites qu'elle n'est pas sage, elle va devenir plus sage avec le temps? Mais je pense qu'elle va rester sage parce que jeune était sage. Elle a 19 ans maintenant, elle est sage encore. Puis avec le temps, je pense qu'elle va être comme si... Bien, elle ne sera pas comme sa grand-mère, parce que sa grand-mère était pas sage plus jeune, mais elle retient de moi. C'est... Mais alors pour l'autre, celle que vous dites qu'elle n'est pas sage, est-ce que vous pensez qu'elle va être comme sa grand-mère, qu'elle va devenir plus sage? Ma petite fille, l'autre, elle va ressembler à sa mère. Sa mère est... Ouf! C'est heavy metal. C'est-à-dire? Expliquez-nous. Bien, c'est... C'est parce que ma petite fille, ma fille, c'est qu'elle est barmaid. Elle est pas sage, elle boit, elle bouge. Hein. Et alors, sa fille, elle est pareille? Sa fille, elle est pareille qu'elle? Bien, Jannick, oui, mais Mélina me ressemble à moi. Elle ressemble à la grand-mère, Mélina, puis l'autre ressemble à sa mère. Puis la plus jeune de 8 ans ressemble à sa mère aussi. Et alors vous dites que vous êtes devenue quand même plus sage, ou en tout cas que vous avez réfléchi. Est-ce que vous aidez vos petites filles à faire la même chose, à aller vers plus de réflexion? Ben, je le parle pour je vous explique qu'est-ce qu'est la vie, puis qu'il faudra à un moment donné, il faut venir sage, parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises, des fois des bonnes, des fois des mauvaises. Puis je veux pas qu'ils rentrent dans la drogue ou quelque chose. Parce que maintenant, ils sont sages. Ben, l'autre, là, je t'ai dit, l'autre a boit un petit peu, à 14 ans, puis je t'ai dit, est actif. Mais je veux pas qu'ils seraient comme moi. Je veux qu'ils sentent. C'est pour ça que je parle souvent. Et alors, je suis à l'écoute des autres. Et les autres, ils sont à l'écoute de vous? Oh oui, mes petites filles m'aiment beaucoup, beaucoup. Quand ils me voient, ils sont toutes... ils aiment beaucoup leur grand-maman. Et vous les voyez souvent? Pas beaucoup. Mais ma petite fille, oui, là. Elle que je t'ai dit qu'elle est sage. Elle travaille au IGA ici à Edgewater. Pas loin d'ici. Fait que je la vois tous les jours. Hein. Mais celle-là, comment tu dis? Je peux pas le dire. Tu sais, comme... Elle me voit comme... Comment tu dis quand ta petite fille... Ma petite fille m'a vu comme si je serais Dieu. Donc, pas Dieu mais... Oui, elle m'idéalise. Oui, elle m'aime beaucoup, beaucoup. C'est super. Et alors, est-ce que vous pensez que les jeunes, ils ont du fun, ils font des trucs, ils font la fête? Est-ce que ça part avec la vieillesse? Avec la vieillesse? Oui, avec la sagesse. Peut-être, mais moi, ça n'a pas réparé mon cas, en tout cas. Je n'ai pas venu plus sage. Hein, Daniel? Je n'ai pas venu plus sage. Je suis venue plus tannante. Vous voulez-tu parler, Daniel? Viens-t'en. OK. Marie, tu veux-tu parler, toi? De quoi on parle, là? On parle de la sagesse. De la sagesse. Est-ce que la sagesse vient avec la vieillesse? Ben, je ne sais pas quoi dire. Ben, présentez-vous, Daniel. Je pense à mes affaires, OK? D'accord. Vous voulez réfléchir un peu. Mais c'est juste spontané. Est-ce que d'après vous, on devient plus sage avec la vieillesse? Oui, viens-t'en. Ben, c'est officiel qu'en vieillissant, on est plus sage parce qu'on a plus d'expérience de la vie, puis on s'en fait moins avec les petits... comment est-ce qu'on parle? Hein? Les quoi? Oui, on... Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'importance, là, tu sais? On est plus mature, on a plus de maturité, puis là, si on a plus de plaisir, tu parlais, on peut avoir autant de plaisir. Ouais. Moi, je préfère me tenir avec des gens de mon âge aussi, des gens... Peut-être j'ai moins de patience avec les jeunes aussi, parce que je réalise comment est-ce que je t'ai énervée, puis peut-être... Tu sais, on est plus réfléchi, je trouve que c'est ça, là. On réfléchit plus, puis... On est plus mature, puis peut-être qu'on fait moins de bêtises. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne ferait plus? Oui, bien, c'est ça. Non, j'en ai fait. Moi, je me suis mis dans des situations... je faisais du pouce, moi, beaucoup, quand j'étais jeune. J'étais dans la génération des hippies. Je voyageais à travers le monde, puis il ne m'est rien arrivé. Je remercie bon Dieu. Mais c'était peut-être dans ce temps-là, dans le mouvement des hippies. C'était un mouvement pacifique. Mais aujourd'hui, je pourrais pas faire ça. Là, je suis même allée en Turquie, en Iran. Je suis allée en Iran, moi, en Afghanistan. Je suis allée là, moi, aux Indes, au Pakistan, au Népal, dans des pays, là, habillés en T-shirt puis en jeans serrés. Il aurait pu m'arriver plein d'affaires. J'aurais pu... Mais j'étais avec un copain, là, mais... À cette heure, oublie ça, là. Bon, ben... Des passages. Hein? Non. J'étais pas mal à... Ben c'est ça, ouais, mais je me suis mis dans ces situations-là, puis j'étais comme, comment est-ce qu'on dit ça, inconsciente. Là, ben, en vieillissant, on est plus conscient du danger alentour de nous, on prend moins de chance, c'est ça, on est plus prudent. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas eu d'enfants. J'aurais aimé, mais j'ai pas eu d'enfants. C'est pas grave, t'es heureuse, ça arrive. Ouais. Je suis divorcée, là. Pas de mari, plus rien. Je suis seule dans la vie. J'aimerais ça avoir un chien, par exemple, mais je peux pas en avoir dans mon appartement. Je suis allergique aux chats. Peut-être que j'aurai un chat, tu sais, mais... Et t'as ta mère. Donc, c'est pour ça que je viens ici. Je me tiens ici. Je viens... Des âmes solitaires. Je suis un âme solitaire. Bon, ben, merci beaucoup. Vous avez autre chose à dire? Non. Non? D'accord. Ben, n'hésitez pas à revenir si vous avez envie. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Ouais? Ben, présentez-vous et puis dites ce que vous voulez. C'est à propos de... Ah, Kim. Ouais. Ouais, mon nom, c'est Sylvie. J'ai 45. C'est sûr que j'ai eu des petites gaffes, moi aussi, dans ma vie. Je me foutais de pas mal de tout, là, mais j'ai changé. Je me suis embarquée dans les affaires, moi aussi. Mais, qui le fait pas? Je pense qu'il faut que des choses qui arrivent dans la vie pour qu'on comprenne. me suis fait avoir. J'ai pas eu d'enfant, moi non plus, mais j'aurais aimé, moi aussi. Ouais, c'est pas grave, j'ai deux rats. On a plus d'expérience. On fait attention. Quand moi, ils vivent en coloc, je sais que maintenant, c'est pas pour moi. Je le sais. Non, je le fais plus. Je suis toute seule chez nous, puis je suis bien. À part de rencontrer quelqu'un de sérieux dans ma vie, ça sera le fun. Un jour. Hein, parce que je vieillis, puis je veux pas passer ma vie tout le temps toute seule. Là. Faire une vie de couple, ça me reste ça. Alors, est-ce que vous pensez que la sagesse, ça veut dire plus faire certaines choses qu'on fait quand on est jeune? Faire attention à les amis qu'on choisit. C'est-à-dire pour faire attention par rapport à quoi? Ben, il y en a qui disent qu'ils sont des amis puis ils profitent. Ça m'est arrivé beaucoup, moi. Et ça, c'est ce qu'on apprend avec l'âge? Ah oui, ça c'est sûr. Pour faire attention, des fois, ils pensent qu'il y en a qui nous aiment puis c'est pas le cas. C'est pas tout comme ça, mais j'en ai connu dans le passé. Donc, j'ai appris, je fais attention maintenant. Je fais attention maintenant. Est-ce que vous pensez à quelque chose et vous vous dites, ça, je le ferai absolument plus maintenant, avec les quelques années de plus? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent vous faire penser ça? Oui. Payer la traite à 10 personnes, je ne le ferai plus. J'avais 200, il me restait un 10, puis après ça, ils sont plus là, mes amis, c'est disparu. Donc, aider quelqu'un qui trouve que ma bouffe n'est pas fraîche non plus, quand je veux aider, ça non plus, aujourd'hui, je serais capable d'y répondre. Et des trucs un peu fun, des trucs un peu fous? Ben, j'aime encore fêter. Hein? Il faut le fêter. Non, mais je veux dire, j'aime encore la vie. Je ne pourrais pas être en 45, c'est le fun. Puis j'aime aussi mon humour. Où ce que je pense, on m'oublie pas. Est-ce que vous ne pensez pas que d'un côté, la vieillesse, puis enfin en tout cas, prendre des années, puis la sagesse, ça ne veut pas dire aussi apprendre à aimer la vie? Oh, j'aime la vie aussi, là, c'est sûr. Je sais qu'un jour, notre heure arrive un jour, mais ça, le temps qu'on vit, il faut en profiter. Moi, j'ai dit à Sylvie que j'aime la vie. La vie m'a donné des mauvaises affaires. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des affaires assez horrifiantes. Mais j'ai continué, j'ai aimé la vie telle qu'elle était. J'ai dit, il faut qu'on continue, quand même, qu'il m'avait arrivé. C'est pour ça, comme qu'elle dit, il ne faut pas faire confiance aux amis. J'avais une cousine, puis j'ai manqué mourir à cause d'elle. Puis je fais bien attention maintenant. C'est parce que j'ai manqué de me faire tirer à coups de carabine. Ça fait que, non. Maintenant, j'ai appris à observer qu'est-ce qui sont mes amis, qu'est-ce qui sont pas mes... Je suis plus prudente. Avec le temps, t'es plus prudent, t'as plus de sagesse. Qu'est-ce qui arrive? Quand t'as de l'argent... Ça, c'est vrai, ça. Quand t'as de l'argent, t'as un paquet d'amis. Mais quand t'as plus rien, ils disparaissent comme un vent qui passe. Et ça, on apprend à s'en rendre compte avec les années. Ah oui, ça, c'est sûr. Une fois, j'ai eu de l'argent, puis quand je n'avais plus, oups, plus là. Ils ne voyaient plus, ils ne me reconnaissaient plus, j'existais plus rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La différence, des vrais amis, puis ceux-là qui ne sont pas vrais. La sagesse, mais ça s'acquiert avec le temps. C'est le temps qui... faut l'avoir vécu pour le... Moi, j'ai vécu, oh boy, à 100 000 à l'heure. J'ai eu assez une vie mouvementée, dis-moi. Hein, j'étais comme Daniel, je faisais du pouce, je faisais tout. Wouhou! Ah oui, j'ai manqué de me faire attaquer, moi. Ah ouais, en faisant du pouce. Toi, t'as des chanceuses, pas moi. Ouh! J'ai eu un... Si j'aurais pas sorti de l'auto, le gars, il me violait. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez poser pour faire une espèce d'interview entre vous deux? Je voudrais savoir, t'es-tu plus chasse maintenant, ma petite fille? Oh oui! Comment tu vis ça? Ben, les expériences qu'on apprend, ça nous aide à... Ça nous fait maturer plus. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais vous pouvez le porter, c'est juste qu'il faut que ça soit plus près. Ouais. Ça va nous faire voir la vie différemment. Ah oui, c'est sûr. On apprécie ce qu'on a, puis on fait attention. On fait attention, oui. Et ceux-là qui appellent des profiteurs ou des profiteuses, boum! Mais... on fait attention à ça. Tu changerais-tu autre chose? Ma panique. Des fois, je panique encore. Moi aussi. Des crises de panique. On est à Kerr. Me fait soigner sur ça. Le sujet, c'est est-ce qu'avec le temps, on acquiert la sagesse? Avec le temps, on accueille la sagesse? Ben moi, j'ai pas rien entendu. Ben moi, je peux-tu parler des codes de décès qui est arrivé? Des quoi? Codes de décès. La code de notre terre qui charge de. Ben, vous pouvez parler de ce qui vous intéresse. Ah non, tout le temps. Ça vous tente. Il y a trop d'affaires là, puis je t'en vais prendre toute la journée. Ben, vous pouvez juste, si vous voulez dire un peu là-dessus. Non? Attends, je vais attendre parler les autres, puis je vais voir. OK. Alors, vous disiez quoi? Moi, ce que je pense, j'ai appris une chose. Si on m'aime pour moi-même, je peux donner le ciel, c'est l'expression. Mais si je sens qu'on m'aime juste parce que je donne l'argent, je vais me tasser. Puis qu'est-ce qui est bon? C'est que si je sais quelqu'un qui ne m'aime pas, va le sentir. Donc, ça m'aide beaucoup aussi. Je vais sentir une vibration, on va dire « Oups, non, et hop, me tasse ». J'évite toute chicane le plus possible, j'évite tout conflit. Je vais juste mettre les écouteurs. Testing. Oui, je m'en fiche quand même. Ça me protège au moins quand même. Merci. Enfin, quand même, zone de protection. Moi, quand même pas, je m'aime moi-même, ça fait que c'est correct. Parce que je réfléchis beaucoup à ça. Comme tu dis, il faut venir plus cher. Je réfléchis à ce que la vie me donne, tu sais. Parce que dans la vie, tu attends une minute, je bégaye. Pas tout le monde qu'on peut s'aimer. Moi, je m'aime moi-même, j'ai appris à m'aimer moi-même parce que j'ai eu des cours d'estime de soi, puis de valoriser, me faire valoriser. Oui, c'est ça que je te dis. Est-ce que vous pensez que s'aimer soi-même, c'est quelque chose qu'il faut apprendre? Oui, avec le temps, tu apprends. Avec le temps, oui. Avec le temps, quand tu vieillis, tu es la chaise d'être, tu l'as. Tu sais, tu vois beaucoup alentour de toi, puis... tous les problèmes que tu as eus, ça, c'est là que tu commences à réfléchir que tu devrais faire aujourd'hui, tu sais. Puis je me défends pas mal là-dessus. Est-ce que vous pensez que, en fait, c'est ça la sagesse d'apprendre à s'aimer soi-même? Ben oui. Faut que tu t'apprennes à t'aimer toi-même, esprit, avant d'aimer les autres. Quand même qu'ils t'aiment pas, esprit, ils te pardonnent quand même. Moi, tu apprends à pardonner aussi au monde. J'apprends à m'aimer moi-même parce que les gens qui sont méchants envers nous autres, des fois, c'est des gens qui ne s'aiment pas soi-même. Ils ne peuvent pas aimer les autres. Puis la psychologue que je voyais quand je m'ai fait violer, elle me dit d'apprendre à m'aimer moi-même. De me regarder dans le miroir et de dire « j'étais fine, j'étais capable, j'étais quelqu'un ». C'est ça qu'elle m'a appris, elle, en tout cas. Pour que je sorte de traumatisme que j'avais eu. Um, Est-ce que vous pouvez, ou vous aussi, est-ce que vous pouvez penser à des moments où c'était vraiment important de savoir s'aimer? Oui, c'est important. Mais ben oui, est-ce que important. est-ce que vous pouvez penser à des moments en particulier où c'était... Ben, regarde, quand ça va mal, là, on va dire une chose, tu réfléchis, là, tu te mets à l'écart. Là, tu penses à tes affaires, tout ça, puis tout va bien après, tu sais. Parce que tu as appris à pardonner. Si tu n'apprends pas à pardonner, ça va mal, tu es toujours malheureuse. Fait que c'est mieux d'être heureuse. Puis s'aimer, puis aimer les autres. Et c'est pas regarder la colère. Non, c'est ça, pas regarder la colère, tout ça. Puis, tu sais, de toute façon, moi, j'apprends à m'excuser aussi. Si j'ai des torts, je les avoue, mes torts. Tu sais, je laisse pas. La vérité, c'est très bon à dire. OK, des fois, je suis radicale, mais je me retiens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Radical, ça veut dire d'être prompt, là, tu sais. Pouf! T'as toujours une solution à répondre, là, à tout, là, tu sais. Des fois, bien, c'est la vérité, c'est pas trop, tout le temps bon à dire. Parce que ça fait faire mal. Mais j'ai appris à me taire. Est-ce que, quand vous étiez jeune, est-ce que vous faisiez ça moins? Ah non, moi, quand j'étais plus jeune, bien jeune, je ne vivais pas, j'existais seulement. J'existais seulement, je ne vivais pas. Il y a trop de problèmes, je ne sais pas ce qui est arrivé dans mon passé. Si j'ai eu un traumatisme, je ne sais pas. J'étais trop jeune. Donc, j'ai commencé à vivre, moi, ça fait à peu près 15 ans. À m'épanouir moi-même, tout ça. Parce que je ne demandais pas, j'aime pas que quelqu'un me force à faire quelque chose. Il faut que je décide moi-même. Tu sais, comme arrêter de fumer, n'importe quoi. Tu sais, quelqu'un, il dit, ben là, tu vas voir elle, tu vas arrêter. Non, ça ne marche pas avec moi. Qu'est-ce qui est la différence entre exister et vivre? C'est vraiment c'est une question existentielle. Ben, ton cerveau, il n'est plus là. T'es là, t'es comme un bibelot, là. T'es là seulement. C'est ça que t'existes seulement. T'es là parce que le corps humain, il bouge pareil. Mais en dedans de toi-même, tu ne vis plus. Tu sais, ton cerveau, il n'est plus là. Puis ah ouais, donc, c'est parce que c'est à cause d'un traumatisme. Mais je ne l'ai pas réglé encore, ça. Moi, aujourd'hui, je suis capable de me sortir de moi-même puis parler avec les gens. De dialoguer. Le dialogue, c'est merveilleux. Parce que ça prend le dialogue pour vivre aussi. Est-ce que... Pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, tu vois, toutes sortes d'affaires, puis t'apprends à vieillissant. J'ai quand même... Il va y avoir 63 ans, là, tu sais. J'en ai du vécu. Est-ce que vous pensez que la vie s'améliore avec de l'âge? Ben oui, elle s'améliore, c'est bon. Peut-être pas la santé, parce que je suis pas en santé, mais ça s'améliore. Peut-être dans 2 ans, dans 1 an, je vais être mieux. Tu sais, les bobos, ils vont peut-être partir. Mais il faut avoir l'espoir. Ben oui, dans la vie, l'espoir, là, c'est beaucoup. Je trouve ça quelque chose qui est vraiment merveilleux à dire, puisque, je sais pas, pour moi, souvent on entend la jeunesse est la meilleure partie de la vie, ou j'en sais rien, mais oui, moi j'espère bien que la jeunesse n'est pas la meilleure partie, oui, puisque sinon il n'y a rien à... Il me semble que les jeunes aujourd'hui, ils apprennent plus que nous autres. Nous autres, quand on était jeunes. Parce que nous autres, là, on était comme tabou. Si c'était caché, tout ça. Qu'est-ce qui a été caché? Bien, c'était pas, c'est comme vous autres, là, comme toi. T'es jeune, ça, tu t'épanouis, tu sais, puis là, tu réfléchis à tes affaires avant d'aller à l'acte. Tu sais, tu réfléchis. Fait que les jeunes, au moins, sont plus développés que nous autres dans notre temps. Tu comprends? Fait que. Moi, j'étais pas. Comme on n'était pas développés étant jeune. Moi, comme je te dis, je ne vivais pas, j'existais. Fait que. C'était juste après, dans 50aine d'années, tout ça. Quand là, tu commences à voir un peu, ouais, donc. Tu sais, on dirait que tu renais, tu sais, à la vie. Fait que, tu sais, quand tu es toujours enfermé, c'est un choc. Puis là, le choc il est resté longtemps. Fait que dans 50aine d'années, c'est là que je me suis réveillée, puis comme je me suis sortie de mon enveloppe. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous parler très bien. Je vais réfléchir à ce que je dis. Puis ça, au moins, il y a des fois des petits conseils, des fois, que je, oui, dans mon passé, j'ai eu du vécu. Mais donner un petit conseil à des jeunes, je suis là, puis ça va bien. Ah oui. Ah. J'aimerais bien devoir y aller, mais en fait, il faut que j'y aille. Mais à Clara, je ne sais pas si vous avez rencontré Clara. Clara. Bonjour, Clara. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Enchantée. Est-ce que toi, tu peux rester? Oui, tu t'en vas maintenant? Oui, il faut que j'y aille. Je vais en cours super, ouais, ennuyant, mais il faut que j'y aille. Hey, ton ami est parti à New Orleans, hein? Oui, pendant un mois. En Louisiane. Ça, Candice? En Louisiane. Mais c'est où est-ce qu'il y a eu l'inondation? Je sais pas, vous avez fini, vous aviez fini de parler? Oui, il a l'air. Vous pouvez continuer, c'est juste parce qu'elle devait partir. Non, non, mais... Je sais pas de quoi vous étiez en train de parler, j'ai pas écouté. Non, mais pose des questions, on va te répondre. Mais oui, mais j'ai pas entendu ce qu'elle a demandé avant, alors vous étiez en train de parler de quoi? Vous étiez en train de parler de quoi? J'ai pas écouté. En fait, on parlait de ce que c'est la différence entre la jeunesse et de l'âge. Et des gens qui sont plus âgés. Oui. D'accord. Et la différence entre juste l'existence et la vie. Ouais. D'après vous? D'après vous, oui. Comme j'ai dit tantôt. Et puis après ça. Ah, mais j'ai plus rien à dire, là, je pense. Ça tantôt, là. Sûr, comme vous voulez. Hein. Pierre, il y a quelque chose à ajouter. Oui. C'est quoi la question? Je ne sais pas. La prochaine fois. Bye. Oui, tu retournes à l'école? N'importe quoi. Peut-être, ouais. Cet après-midi. À la prochaine fois, peut-être. Oui. Oui. Vas-y. On parlait des personnes âgées. Moi, je trouve que. On parlait des personnes âgées. Je trouve maintenant que les gens s'occupent moins des personnes âgées. Tu vois comment qu'est-ce qui est fait aux personnes âgées. Des fois, les infirmiers s'en occupent pas. T'as entendu parler de la personne âgée qui est morte dans son bain brûlé? Tu sais, moi, je trouve qu'ils devraient s'occuper à l'âge où ils ont. Ils devraient s'en occuper mieux. Oui, surtout qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées qui n'ont pas de famille pour s'en occuper. Enfin, parce que ça va quand on a des enfants pour s'occuper de nous, mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants... Il y en a qui ont des enfants qui s'occupent pas de... Mais comme moi, je voulais pas placer ma mère. On s'en est occupé, nous autres. Parce qu'au moins, elle était bien où elle était avec nous autres, puis on savait qu'il n'y arriverait rien. Mais comme moi, je travaillais dans un centre d'accueil, je me suis occupée des personnes âgées, j'ai pris de mon temps. Il y a une madame qui, ses enfants, ne venaient pas la voir. J'ai pris mon temps pour lui montrer de l'amour. Ça, c'est un joli geste. Mais je m'occupe encore des personnes âgées. Oui, ça fait un an, je travaille dans une place où il y a un bingo. Je colle le bingo, je pose le café, je pose les biscuits. J'adore les personnes âgées. Même les déficients intellectuels, j'aime les déficients intellectuels aussi. C'est des gens très intelligents. C'est surtout c'est des gens qui ont besoin d'amour en général. Oui. Les déficients intellectuels, ils ont besoin d'amour comme autiste, si tu fais travailler son cerveau, il est très intelligent. C'est ils ont besoin d'attention. Besoin de s'ouvrir sur les autres. Oui. Pouvoir se... Des fois, ils disent qu'un autiste est dans son monde, mais comme qu'ils disent, tu fais travailler. Au moins, à un moment donné, il sort de sa bulle. Alors, j'ai écouté une émission, parce que Patricia Paquin puis Charles Fortune ont des enfants autistes. Puis elle a dit qu'elle y parlait, puis elle y parlait, puis à un moment donné, il a écouté, il a compris. Alors, ben là, on s'est un petit peu écarté du sujet sur la vieillesse, c'est mais... mais ouais, non, ça va ensemble, parce que c'est des personnes qui sont comme plus vulnérables, alors que ça veut dire... C'est comme un monsieur qui était en prison pour ça, il avait fait mourir sa fille, là, qui était déficiente. Je sais pas si tu l'as entendu parler à la télévision. Oui, il disait qu'il voulait écouter sa vie parce qu'il avait une vie malheureuse, mais il n'avait pas le droit de faire ça. Même si c'était déficient, tu n'as pas le droit de tuer. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas pour ça. Comme je ne suis pas pour ça partout. Alors, moi, je suis française et en France, on parle d'un droit qui serait de pouvoir autoriser à tuer, entre guillemets, les personnes. De l'euthanasie, on dit ça comme ça. C'est comme... Oui. C'est, ben, au Québec, il fait ça aussi. C'est que c'est ton choix de mourir ou de vivre. Exactement. Alors, ben, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pas pour ça parce que j'ai un frère qui s'est, un beau frère qui s'est suicidé. Puis j'ai eu une rage longtemps après lui parce que t'avais pas le droit de faire ça. Il avait 29 ans, t'avais pas le droit. T'sais, il s'est enlevé la vie sans nous le dire. Moi, j'étais sa meilleure amie, j'aurais pu le sauver. Il me l'a pas dit. J'en ai voulu par longtemps parce que moi, je suis croyante. Tu sais ce que je veux dire? J'ai dit, si on te met ici, c'est pas pour t'enlever la vie. J'étais fâchée longtemps après. Mais il était plus là, mais j'étais fâchée longtemps. Vrai mieux, on a plutôt besoin de se battre et de montrer toujours que la vie est belle et puis qu'il faut continuer. Mais tu peux être malade, t'essayes de passer à travers puis vivre un jour à la fois. Faut que tu vis un jour à la fois, demain c'est mieux, puis demain ça peut être pire. C'est vrai, hein? Demain ça peut être pire comme demain ça peut être mieux, hein? Non, faut pas penser à... Moi je vis un jour à la fois. Là, il y a assez de bruit, là, qui pense à l'avenir, là. Oui, mais quand ça va pas, faut qu'on s'en... J'ai appelé ma fille de laisser tomber une affaire, tu sais. Mais même si... Mais elle, elle a une tête de cochon, elle veut commencer, elle veut continuer pareil. Même si ça va mal, tu vois, tu déraches les autres. Oh non, non, parce que moi, là, en fait, semaine, ça allait très mal. J'ai jamais appelé personne. Ça allait pas bien du tout. Mais j'ai dit non, j'appelle personne, je garde ça pour moi. Toi, on a quand même des amis. J'étais vraiment pas bien. Ou de la famille, Non, mais. Ah non, des fois, on veut. Ouais, c'est ça. Qui ressemble des choses sur nous autres, là. Mm. Tu sais, supposons que tu es mauvaise humeur, là. Puis, non, mais pas de mauvaise humeur, ça te rend irritable. Mm-hmm. Ça, puis non, tu veux pas. Faut donner à d'autres personnes parce qu'ils ressentent ça, le monde. Oui, mais en même temps, tout à l'heure, tu parlais de ton meilleur ami qui s'est suicidé. T'aurais bien aimé qu'il vienne t'en parler. C'était mon beau-frère. C'était mon meilleur ami. T'aurais préféré qu'il vienne. Bien, moi, j'habitais en campagne. Lui, il habitait ici. Mais c'était mon meilleur ami, puis ils me l'ont dit quand il était décédé. Et j'étais enragée, bien, noire. Parce que j'en ai voulu. J'étais pas, je suis pas pour ça, moi. De quoi? Le suicide, je suis pas pour ça. Ben là, tu sais... C'était mon meilleur ami. On pouvait pas prévoir ça, tu sais. Fait que, tu sais, si on est... OK, c'est à eux autres de se réveiller puis d'aller voir sa meilleure amie ou sa meilleure amie, d'en parler, qu'est-ce qui le tracassait. Il n'aurait pas eu... là, mais tu sais, tu aurais pu lui parler tout le temps. Là, fais attention à toi. Puis, parce que le suicide, ça arrive comme ça. Ça arrive tout de suite, là. Puis tu t'en entends jamais. Donc, tu sais, c'est un problème qu'ils ont, eux autres, là. Mais toi, tu n'as pas ce problème-là, mais... Fait rien, ça fait réfléchir, là, tu sais. Mais tu ne veux pas faire pareil. Oui, c'est parce qu'il était dans le gouffre. Il était dans un gouffre, il était dans la drogue, dans la boisson bien raide. Il devait d'argent, c'était heavy, là. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il était vraiment dans la merde. Moi, avant, là, je m'exprimais pas en tout. J'avais de la misère à m'exprimer. Ça. Pas aujourd'hui, là. Ça va bien, là, tu sais. Il ne faut pas penser au négatif, il faut penser au positif. Au progrès qu'on a fait. Oui, le progrès que tu as fait le long de ta vie, puis que ça continue encore, tu sais. Au moins, on n'a pas encore jeune. Ouais, 63 ans, je suis encore jeune encore. Là. C'est aussi pour ça qu'on est plus sage, c'est parce qu'on fait des progrès aussi, finalement. Oui, ben oui, ça c'est bon, justement. Fait que c'est là que ça va bien. C'est là qu'on se réveille, puis là, on fonce, là. Faut foncer aujourd'hui, là, pour réussir notre objectif, là. Ah oui. Moi, je dois être fonceuse parce qu'un mois de temps, mais elle, je la connaissais pas, elle venait pas ici. Il y a quelqu'un qui m'a baissé, c'est un mois de temps. J'ai passé à travers de ça, j'ai survécu à ça. Oui, ça c'était difficile, c'était difficile. J'ai passé à travers de ça pareil. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, ils ne m'auront pas. C'est, excuse-moi, ils ne m'auront pas. Puis j'ai passé, mais tu ne venais pas ici dans ce temps-là. Mais j'ai été forte, j'ai passé à travers. Moi, là, j'ai été abaissée, violentée. Toutes les choses qui sont arrivées, j'aurais pu être morte aujourd'hui. Mais j'ai survécu, j'ai été... La force que tu as aussi dans toi, c'est ça qui fait réussir dans tout, là, tu sais, à ignorer ça, puis ah ouais, donc... Mais aujourd'hui, ça va bien, à part de la santé, là, mais... Ça, ça va guérir aussi. Il faut foncer pour l'avoir, pour avoir une bonne tête pour ça. Tu comprends? C'est aussi accepter son passé, entre guillemets, puis faire comme bon, ben voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé, puis maintenant il faut aller de l'avant. Oui, il faut aller d'avant aujourd'hui, parce que sinon, si on recule tout le temps, puis on est toujours négatif, rien qui marche. Rien qui marche. Tu es toujours dans ta petite coquille, là, puis tu restes chez vous, puis ou t'en vas dehors, puis tu ne parles pas à tout le monde, tu as des œillères à l'entour de tes yeux pour ne pas voir le monde, puis tout. Non, non. Il faut voir, il faut regarder partout, il faut sourire. Un gros sourire, ça va bien. Ça, c'est de la vraie magie, ça. Comme ici, il y a quelqu'un qui, à chaque fois que je viens, il me rend heureux. Là. À chaque fois que je vois cette personne-là, je suis heureuse. C'est tout le temps. Oh! C'est un homme, mais on ne peut pas dire. C'est quelqu'un qui me rend heureux. À chaque fois, je suis de bonne humeur. Il dit, maman, mon amour! Oui. Mon chum me rend malheureuse, mais quand j'arrive ici, lui, il me rend heureuse. Il dit, maman, mon amour! Tu sais, parce que mon chum, c'est un alcoolique. Mais quand lui, je viens, lui, il me rend... Oh! Ça va bien. C'est ça, la magie du sourire. Il me fait rire tout le temps.